Les échangeurs d'air. Bonsoir. Bienvenue à l'émission Les échangeurs d'air à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec. Ici Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des musiques. Ce soir, je vous propose un choix de musique plutôt éclectique allant du rock psychédélique au folk en passant par la musique contemporaine et le jazz. Alors, on débute ce soir avec quelque chose de très connu dans une version remasterisée et remixée, Within You, Without You, des Beatles. Alors, bonne soirée à notre antenne. Oh,

viel Verstand, doch dann sollst du nicht weinen. Thank you. Parmi les ondes, mais dès qu'il faut. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Échangeurs d'air à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec. Alors, vous avez entendu dans ce premier bloc une pièce de 1972, Of Amber, tirée d'un disque de Giuliano Sorgini, un musicien de musique d'illustration sonore italien, sous le pseudonyme de The Bid On. C'est extrait d'un disque de 1972, Sorry Puppet. Ça a été précédé par Portofino, de 1962, par le musicien américain de jazz et pionnier de la musique électronique, Raymond Scott. C'est extrait de son album Manhattan Research Incorporated, un album paru en 2000. Juste avant, vous avez entendu Le Flambeau d'amour d'Héloïse Decazes et Éric Chenot. C'est extrait de l'album La Bride, qui est paru en 2017. Ça a été précédé par Classy Penguin du duo américain The Books. C'est extrait de Music for a French Elevator and Other Oddities, un album paru en 2006. Juste avant, vous avez entendu Im Haus der Ahnungslosen du groupe allemand Dauerfish. C'est extrait de l'album Crime of the Century, un album paru en 1999. Ça a été précédé par Microns in Amber Light du duo britannique Tomaga. C'est extrait de l'album Familiar Obstacles, un album paru en 2015. Ça a été précédé par la pièce The Pseudo Star, la formation britannique The Focus Group. C'est extrait de l'album Stop Motion Happening, qui est paru en 2017. Et on a débuté le bloc avec Within Without You, dans une version remasterisée et remixée en 2017. Des Beatles, c'est extrait de l'album Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, qui est paru en 1967. Après la pause, Natalie Rose Lebrecht. Stop. Truth. after harvest, the Lenten fast, and after normally a time of bounty, and after bounty, after bounty, the hungry God, till dawn's a morning when earthly plenties will spread uncounted, spread uncounted in every lap. Wait. Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et vous écoutez l'émission Les Échangeurs d'air. Alors, je vous ai proposé dans ce deuxième bloc la pièce Gina, de l'artiste colombienne basée en Allemagne, Lucrecia Dalt. C'est extrait de son tout nouvel album High, qui est paru récemment. Ça a été précédé par la pièce Homs, de la formation suisse Orchestre Tout-Puissant Marcel Duchamp. C'est extrait de leur album Roto Rotor, un album paru en 2014. Ça a été précédé par The Lake, de la formation britannique d'acid folk Galley Beggar. C'est extrait de leur album Eaton Hymns, qui est paru en 2017. Ça a été précédé par In Dispraise of Hunger, du musicien écossais Alasdair Roberts. C'est extrait de l'album Alasdair Roberts, qui est paru en 2015. Juste avant, vous avez entendu Time Trieth Throat, du groupe britannique Current 93, c'est extrait de l'album Earth Covers Earth, un album paru en 1992, et on a débuté ce segment avec la piste 6 de l'album Warrant, qui est paru en 2003, de la musicienne américaine Natalie Rose Lebrecht, qui est accompagnée ici par Pasquale Cangiano. Après la pause, Kit Sebastian. Thank you. Oh,

j'ai pas eu le temps de boire mon petit café. Je suis crevé, je vais prendre un bain. J'irai boire un verre et retrouver les copains. Il faut que je leur raconte ce qui s'est passé ce matin. Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et c'est l'émission Les Échangeurs d'air. Je vous ai proposé dans ce troisième bloc, Quelle heure est-il, une pièce de 1984 du groupe suisse Débile Mentol. C'est extrait de leur compilation Émile à la campagne, une compilation parue en 1994. Ça a été précédé par The Wheel of Fortune du groupe de Croatie Nemanja. C'est extrait de l'album Tarot Funk, un album paru en 2019. Ça a été précédé par la pièce Matrakeao du groupe des Pays-Bas Fumasa Preta. C'est extrait de l'album Pepas, un album paru en 2019. Juste avant, vous avez entendu la pièce Lily du groupe suédois Sven Wunder. C'est extrait de leur album Dogu Tukekleri, un album paru en 2019. Ça a été précédé par la pièce Jungle Lady, la musicienne japonaise basée à Paris, Kumi Solo. C'est extrait de l'album Kabuki Femme Fatale, un album paru en 2017. Ça a été précédé par la pièce Wave of Translation des Britanniques Pram. C'est extrait de l'album Wave of Translation, un album paru en 2018. Et on a débuté le bloc avec la pièce Mantra Moderne du duo britannique Kit Sebastian. C'est extrait de l'album Mantra Moderne, un album paru en 2019. Après la pause, Eric Satie. Thank you. They were driving south on the highway. Their business was in another town, bigger than the town they were driving from. Business took place during office hours in both towns. This drive was considered business. The feeling of passing other cars was also considered business. The feeling of business being done. The feeling of drifting slowly through a field of moving vehicles. This was the real speed. Speed of business. Not the numbers on the speedometer. One of them is playing with the radio. Slowly changing the channel from one station to another. Sometimes listening to both channels at once. On one channel, a man was talking to another man. On the telephone. Sure. C'est déjà tout pour l'émission Les Échangeurs d'air de ce soir. Vous étiez en compagnie de Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix des musiques. Je vous rappelle que si vous avez des questions sur le choix des musiques diffusées, vous pouvez aller consulter notre blog dont le lien est disponible dans le site web de CKRL. Alors, vous avez entendu dans ce dernier bloc Why Spend a Dark Night with You, une pièce du musicien américain Moondog, interprétée par le groupe italien mais basé à Berlin, Obocombo. C'est extrait de leur album Moondog's 99 Step Sequencer, un album paru en 2016. Ça a été précédé par la pièce Grass, une pièce de Robert Wyatt, interprétée ici par le musicien allemand Max Andrzejewski Utte. C'est extrait de Utte and Guest Play the Music of Robert Wyatt, un album paru en 2019. Ça a été précédé par la pièce The Sound of Business du musicien américain David Byrne. C'est extrait de son album Music for the Knee Play, un album paru en 1985. Ça a été précédé par Valse Sinistre de Carla Bley. C'est extrait de son album Social Studies, qui est paru en 1981. Et on a débuté le bloc avec une pièce d'Éric Satie, tirée des musiques d'ameublement. C'est les musiques d'ameublement numéro 3, Carrelage phonique. C'est interprété par l'ensemble français Arnova, dirigé par Marius Constant. C'est extrait de l'album Satie, Entracte et musique d'ameublement, un album paru en 1981. Alors, c'est tout pour les échangeurs d'air de ce soir. Je vous souhaite une excellente fin de soirée.